chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve. Il y a une belle acquisition cette année pour le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, c'est Simon Landreville. Simon Landreville que moi j'ai connu à l'époque des Genois d'Alma. Ça fait longtemps qu'on ne s'y est pas parlé. On va lui parler. Salut Simon. Salut Danny. Ça va bien, ça va bien. Hey Simon, ça fait longtemps là, avec les Genois d'Alma. Ça fait quand même pas loin de 9-10 ans. Depuis ce temps-là, il est arrivé quoi avec toi? Après les Genois, je suis allé jouer... mon junior normandin, là, dans la Ligue Junior D.A. du Lac-Saint-Jean. Ouais. Par la suite, j'ai fait des tournois amateurs avec les gars avec qui j'avais joué junior, puis ça s'est vraiment résumé à ça pour le restant des années jusqu'à cette année. OK. Donc là, tu as la chance de faire du hockey de compétition cette année avec le multiconcessionnaire. Ça doit être le fun pareil de revenir. La Ligue est faite justement pour des gars comme toi, là. Oui, c'est vraiment fun. Je suis vraiment content de ça. Surtout, tu sais, je commençais à faire mon deuil là, du hockey de compétition. Puis là, l'opportunité s'est présentée. Fait que toutes les heures étaient alignées pour que je puisse venir jouer cette année. Donc, je suis vraiment content de ça. OK. Là, je voyais sur ton Facebook, tu restes à Sherbrooke encore, c'est ça? Ouais, ça fait un an et demi là, que je suis à Sherbrooke. Je trouve un emploi là-bas l'année passée. Donc, c'est ça qui était une difficulté là, pour savoir si je venais jouer ou non au Lac-Saint-Jean, mais j'ai essayé de trouver les accords nécessaires et toute l'équipe pour venir passer la saison à Dolbeau, donc je suis bien content. Ça veut dire que tu redescends toutes les semaines? Pour l'instant, je descends aux 2 semaines. Ça va vraiment tout le temps dépendre, là, mais le plan initial, c'est de venir au moins aux 2 semaines. OK. Simon, dans quel domaine que tu travailles? Présentement, moi, je suis ingénieur civil à Sherbrooke. OK. Bon. Y aurait-il une possibilité de revenir au Lac-Saint-Jean? C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait dans ton travail? C'est sûr que c'est toujours quelque chose d'intéressant de revenir au Lac-Saint-Jean. Là. Pour l'instant, je suis bien dans mon emploi où que je suis. Okay. Donc, c'est pas quelque chose que j'envisage à court terme, mais sur le long terme, je ne sais pas encore. J'aime mieux pas trop penser vite à ce genre de choses. Puis pourquoi, je regarde ça, là, pourquoi le multiconcessionnaire et non une ligue plus proche de chez toi? Ben, le multiconcessionnaire, c'est tous des gars avec qui j'ai joué au courant de ma jeune carrière. Donc, j'ai connu tous ces gars-là. C'est beaucoup des amis proches aussi. Dans mes équipes de tournoi amateur, par exemple, c'était la plupart, c'est les joueurs qui jouent dans l'équipe en ce moment. Donc, moi, j'avais vraiment envie de jouer avec ces gars-là. OK. C'est vraiment une des plus grandes raisons pourquoi je suis revenu là, avec eux. OK. Là, c'est une ligue qui a quand même pas beaucoup d'avenir, selon moi. Là. Il y a quand même beaucoup de monde. Il s'agirait peut-être d'ajouter une ou deux équipes, puis je pense que ça va se faire éventuellement. Comment tu trouves le calibre? Ah, j'étais très impressionné. Là. C'est vraiment tous des gars qui ont un bon bagage de hockey. Ouais. La plupart ont tous joué là, un très bon hockey. Donc, oui, c'est vraiment intéressant. Surtout que c'est une ligue qui se situe dans un coin où il n'y a pas de Junior 3A, par exemple, des choses comme ça. Donc, la plupart des joueurs ne se font pas nécessairement connaître à l'extérieur. La plupart reviennent ici ensuite. Là, donc, on réussit à garder vraiment un bon bassin de joueurs, je pense. OK. Puis, on t'a convaincu, ça faisait longtemps, je pense, que le multiconcessionnaire travaillait pour t'avoir. Est-ce qu'on t'a promis le poste de gardien de but numéro 1 ou bien il va falloir que tu le gagnes? Ah ben, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, là, selon ouais. moi, mais disons qu'on est bien parti pour que ça marche comme ça pour l'instant, et il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Là. OK, OK. Ben Simon, je te trouve pas mal courageux de venir à toutes les fins de semaine, ou pratiquement toutes les 2 semaines, parce que les matchs à l'étranger, tu vas venir jouer pareil là, pour le multi, c'est ça? Oui, parce que là, à l'étranger, c'est pas tellement plus loin qu'à Dolbeau. À Charlevoix, c'est plus près. Jonquière, c'est plus près aussi. Puis lorsque ça va être à Jonquière, je suis capable de descendre le vendredi. Puis ma mère est encore à Dolbeau, donc je manque pas de place pour aller vivre en attendant la partie du samedi. OK. Ben, Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bien content que des gars comme Simon Landreville soient de retour à Dolbeau-Missisni. Ça prouve que la Ligue va de mieux en mieux. Belle acquisition également, Simon Tremblay. Donc, au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Voilà le gardien de but du multiconcessionnaire de Dolbeau-Missisni, Simon Landreville.